kati ya magharibi tunasema asante. Tuko nakuya mbele ya uso wako sawa bantu juu mnamna kuachana tulitoka nje ya mapenzi yako. Damu ya Yesu Kristo ipate kutuosha na tupate kueneana mbele ya uso wako kuweza kupokea na sauti yako. Weka ndani mioyo yetu usikilivu nzuri ya sauti yako Seigneur, wakati neno lako itatoka kila mmoja apate kuipokea sawa zawadi ya kumbini. Amen. Seigneur, utusaidie, utoshe kushikia kote kubaya, me utufungule mashikio kufuatana ili ganjiko kusema wanafunzi wanashikia kamala mbili. Tuko na madifikulte mbalimbali, upate kuleta jibu kuile yote vya tukufu yako. Seigneur, bariki neno tutasoma, fana yote vya maendeleo ya falme ya mbingu juu kurudia kwako na karibia. Katika jina la Yesu Kristo tunakuomba hivi, amen. Deuxième chronique au chapitre 26. Commençons au verset 1. Tout le peuple de Juda prit Ozias âgé de 16 ans et l'établit roi à la place de son père Amatia. Ozias établit Elot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 42 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, l'Éternel les fit prospérer. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Dieu les fit prospérer. Nous avons pris la vie de cet homme Ozias. Et la vie du prophète Esaïe pour nous inspirer sur notre vie. Nous avons montré la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Et nous avons montré la responsabilité des enfants vis-à-vis de la parole du Seigneur. Un bon foyer chrétien ou les bons foyers chrétiens sont les véritables piliers de l'Église et de la nation. On ne peut pas avoir une bonne nation sans avoir de bons foyers. On ne peut pas avoir une bonne église sans avoir de bons foyers. Et on ne peut pas avoir de bons foyers chrétiens sans avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. Nous avons montré que les parents ont baissé les barrières. Ils ont abandonné les responsabilités vis-à-vis des enfants. Parce qu'eux-mêmes se sont éloignés de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Nous voyons dans notre vie quotidienne, le monde occupe plus nos enfants et remplit en eux de fausses choses. Quand les enfants viennent à l'école de dimanche, dimanche matin, la plupart de nos enfants, c'est la seule occasion qu'ils ont pour écouter la parole. Quand ils rentrent à la maison, les enfants, les parents ne s'en occupent pas. Et les enfants se plongent dans le monde, dans des compagnies mondaines, ils se plongent dans les jeux mondains, ils regardent toutes les histoires malsaines. À partir de lundi, de dimanche soir, peut-être dimanche juste après le culte, jusqu'à samedi soir, nos enfants sont préoccupés par le diable sur la rue, dans les écoles, au marché, dans leurs voyages, dans leurs jeux. Ils sont plus occupés par le diable et les enfants ne s'en occupent pas. Et c'est une très grosse erreur de notre part. On devait s'inquiéter de la conduite de nos enfants. On trouve que les personnes s'en inquiètent. C'est pourquoi nous n'avons pas beaucoup d'enfants chrétiens. Nous avons montré hier que Frère Branham nous dit que la mère est le cinquième évangile non écrit, qui doit s'occuper des enfants. Oui, bien-aimé frère et sœur, dans le message, n'ayez pas peur. Au paragraphe 31, vous n'en connaissez que quatre. Vous n'en connaissez que quatre évangiles dans la Bible. Et pourtant, je crois qu'il y en a cinq. Vous n'en connaissez que quatre dans la Bible. Matthieu, Marc, Luc, Jean et la mère. La mère les prend quand ils sont jeunes. La mère les prend quand ils sont jeunes. Maman, la mère les prend quand ils sont encore jeunes. Elle doit s'occuper des enfants quand ils sont encore petits. Elle doit commencer avec cela juste là, avant qu'il ne sache quoi que ce soit au sujet de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Mama ekonanza kufundisha batoto yake avant que bapate kujua kitu yoyote. La mère instruit ses enfants avant qu'ils ne sachent pas qu'est-ce. Umbele yabo banze kusoma kitabu ya Matayo, avant qu'ils commencent à lire le livre de Matthieu, ya Marco, ya Luca, na yao ya Yohano. Ni mama jo mwalimu yao. Si les mères prenaient plus de temps pour parler de Dieu à leurs enfants et pour prier pour eux, nous aurions moins de jeunesse Virginie et Jivinie. Vous voyez, les mamans ne s'occupent pas des enfants. Une véritable mère devrait s'asseoir avec ses enfants, parfois dans les vérandas, ou sous une tente, ou sous un arbre, enseigner à ses filles, enseigner à ses fils des cantiques inspirés. Mais combien de mamans les font? Vous voyez, il devait s'asseoir après avoir terminé ses travaux domestiques, prendre la Bible et lire sa Bible à ses petits, leur parler des choses divines. Même lorsqu'elle a un bébé, elle lui chante des cantiques tout en les versant jusqu'à ce que le bébé se plonge dans un sommeil profond, jusqu'à ce que le bébé s'endorme sous les ailes des anges où sont ces mères qui font ce travail? Tout a été remis à l'église. Tout est devenu la charge du pasteur, des diacres, des ministères de l'école de dimanche. Ça ne devait pas être ainsi. Et c'est une grosse erreur. Quand on voit nos enfants, ils apprennent vite les chansons mondaines. Et ils sont prêts à exhiber les danses mondaines. Et les parents ne regrettent même pas. Et ils s'en réjouissent. Il est en train de jouer de la musique. S'il pouvait jouer de la musique chrétienne, ça pouvait être bien. C'est notre responsabilité. Fabanam continue. Il dit ceci. Dans le message, le véritable sceau de Pâques, au paragraphe 10-11, il dit ceci. Maintenant, mes amis, je sais qu'ils sont chacun d'eux les plus beaux de bébés du monde. Interprétez ce que je dis. Je sais qu'ils sont chacun d'eux, les plus beaux des bébés du monde. Je sais cela. Je sais qu'on ne peut pas dire le contraire là-dessus. C'est vrai. Vous auriez le même sentiment. Ce sont des petits trésors. Les petits, les enfants, les bébés sont des petits trésors dont Dieu vous a donné la responsabilité d'élever. Et j'ai toujours dit ceci. Et j'en fais un peu un dicton à l'adresse de mes. Nous connaissons les quatre évangiles qui sont écrits dans la Bible. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il existe un cinquième évangile qui n'est pas écrit. C'est la mère. Elle les prend avant l'enseignement de Matthieu. Marc, Luc et Jean ne les atteignent Il va prier. La responsabilité vous a été donc confiée à vous les mères. Et à vous les pères d'élever ces enfants pour le royaume de Dieu. Et je suis sûr que c'est le désir de votre cœur. Oui, bien-aimé frère. Suzanne Wesley. Suzanne Wesley en a eu 17. Et avec ses 17 enfants, il y a des centaines d'années, elle pouvait toutefois consacrer 2 à 3 heures par jour. Malgré tout son programme surchargé pour lire l'évangile et pour prier pour ses enfants. Et qu'est-ce que cela a donné? Elle a eu parmi eux un John et un Charles qui ont bouleversé le monde comme récompense. Parce qu'il consacrait du temps chaque jour de sa vie pour lire la Bible à ses enfants, pour prier pour eux. Malgré ses occupations, il est consacré au Seigneur. Il avait un programme surchargé, mais il prenait le temps pour lire à ses enfants la parole de Dieu, pour leur enseigner les histoires de la Bible, pour chercher dans les Saintes Écritures des belles histoires qui influenceraient leur cœur et leur vie. Il priait pour eux. Et qu'est-ce qu'elle a reçu comme récompense? Dieu lui a donné parmi ses 17 deux enfants qui ont bouleversé le monde, qui ont amené les rêves dans le monde. Oui, bien aimé frère, c'est au temps de Wesley que l'évangile est parti jusque dans les recoins. C'est une période de la consacration, une période de la sainteté. Comme ses enfants furent élevés par une mère sainte, une mère consacrée, et Dieu aussi a donné à John Wesley un message de consacration, un message de sainteté, un message qui chassait le péché, et cela bouleversait le monde entier. Oui, bien-aimé frère, le même Dieu qui a fait cela avec Suzanne le fera encore avec chaque mère qui consacrera son temps pour élever ses fils et ses filles dans la voie du Seigneur. Elle recevra aussi la récompense comme la mère de Wesley. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Oui, bien-aimés. Suzanne Wesley. Je m'en suis tenu récemment près de sa tombe. Et j'ai posé ma main sur la pierre tombale. Et je dis: oh Dieu, donne à l'Amérique, donne maintenant à Cambo, au Cambo Tabernacle, ce genre de main. C'est juste. Elle a produit un châle. Et John Wesley, ça l'a offert au monde quelques-uns de ses meilleurs cantiques de l'évangile. Les nimbos amours que nous chantons dans toutes les langues du monde. C'est Charles Wesley. C'était les inspirations. Prenez les nimbos amours. Regardez comment c'est inspiré. Vous trouvez que cet homme n'était pas un aventurier. Il ne chantait pas pour l'argent. Il ne chantait pas pour la popularité. Il chantait pour la gloire de Dieu. Et il chantait parce qu'il avait une expérience avec le Seigneur. Il y a de la profondeur. Il y a de l'onction. Même quand quelqu'un le chante aujourd'hui, s'il est un véritable chrétien, il reçoit la même onction qui était sur cet homme de Dieu. Vous voyez, c'est le résultat d'une mère consacrée. Amen. Et c'est ce que nous avons oublié. C'est ce que nous ne faisons plus. Nous voulons qu'ils deviennent des chrétiens. Nous voulons que nos enfants deviennent des chrétiens et des chrétiennes. Mais nous ne faisons pas quelque chose pour les amener jusqu'à ce point là-bas. Oh John, et John oh là là. Il était sûrement un tison arraché du feu. Tison qui chique. Voyez, c'est juste. Quel grand homme de Dieu il était. Vous voyez, il n'était pas un aventurier. Il savait de quoi il parlait. Il a reçu de Dieu des enseignements les plus meilleurs. Il a reçu de Dieu Seigneur une véritable onction. Oui, bien-aimés frères et sœurs, dans Proverbes au chapitre 22, dans son verset 6, nous lisons, l'Écriture dit, je commence d'abord dans les versets 4 et 6. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Oui, bien-aimé frère. Instruis à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Oui, bien-aimés frères et sœurs, mais nous avons tout oublié et nous avons tout négligé. C'est vrai, bien-aimés frères, nous laissons nos enfants faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, lire n'importe quoi, et pourtant nous vous disons toujours que tout ce que nous lisons taille son caractère, tout ce que tout ce que l'homme voit est en train de modeler son caractère. Ce que tu aimes écouter comme chanson modèle ton caractère. Ce que tu aimes lire modèle ton caractère. Osias, avec ses parents pieux, l'avait instruit dans la voie de la lecture des saintes écritures. Comme nous l'avons montré autrefois, il lisait la Bible, il lisait les commandements de la Bible. Nous vous avons montré autrefois que lorsque Osias lisait les saintes écritures, il y a une chose qui avait retenu son attention. C'est qu'il y avait quelque chose qui aurait frappé son esprit. C'est lorsqu'il arrive dans l'écriture qu'il disait, si vous faites le mal, vous payerez cela. Si vous faites le bien, Dieu aussi vous payera. Oui, bien-aimés frères et sœurs, cela s'était gravé à son cœur. Il a compris que si j'agis selon les enseignements bibliques de mes parents et que j'honore la parole de Dieu, le Seigneur sera mon défenseur. Le Seigneur me bénira. Le Seigneur m'honorera. Il a compris cela. Et il a compris encore que la voix du pécheur et rude. Vous voyez, Koyangouvungou, c'est une voie de la souffrance. Vous empruntez la voie du péché et vous attendez aux grandes bénédictions. Vous vous trompez, mon frère. Vous vous trompez, ma soeur. Dans la voie du péché, c'est la séduction, tromperie, et la mort, souffrance et malheur. Dieu n'est pas dans cette voie-là. Et Ozias avait compris cela. Avec les enseignements qu'il recevait des parents pieux, il devient plus un homme honnête. Juste. Et ne faisait que Dieu lui disait de faire. Voilà pourquoi, comme l'a montré, Dieu l'a aussi élevé. Il a honoré la parole. Il était fidèle à la parole. Il était fidèle à Dieu. Il avait la crainte du Seigneur. Comme nous l'avons lu ici dans Proverbe, Dieu lui a donné la richesse, la gloire, lui a donné la vie. Oui, bien aimé frère, le fruit de la crainte, le fruit de l'humilité. Il s'était tellement humilié devant les enseignements, devant les conseils de ses parents. Et au-delà de ce, au-delà de cela, il s'humilia davantage devant le Seigneur. Et Dieu l'a fait prospérer. Ça, c'est une leçon que nous voulons que tout le monde comprenne. Vous voyez bien, mes frères. Nous voulons que chacun de nous comprenne que si je reste honnête, véridique, sincère devant Dieu, ne faisant que sa volonté, n'obéissant qu'à ses commandements, suivant les instructions de la parole, Dieu m'honorera. Si je suis un enfant, j'obéis aux enseignements de mes parents qui me conduisent à la voie de la vérité. Si j'humilie mon cœur, j'humilie mon âme à les enseignements et à Dieu, le Seigneur m'honorera. Si tu es une grande personne, vous comprenez que vous devez honorer Dieu, vous devez vous humilier, vous devez que ce que Dieu vous recommande, sachez du fond de votre cœur que Dieu honorera ta foi. C'est pourquoi le prophète nous a dit qu'il n'y a jamais eu une prière sincère que Dieu n'a jamais exaucée. Ça n'existe jamais. Chaque prière que vous faites pour vous-même, que vous faites pour vos enfants, que vous faites pour ta femme, pour ton mari, pour tes frères, pour l'église, si tu es sincère dans ta prière, tu es tenu à l'honorer. S'il ne répond pas immédiatement, il le fera dans 2 jours. Si ce n'est pas dans 2 jours, dans 1 semaine. Si ce n'est pas dans 1 semaine, dans 1 mois. Mais si ce n'est pas dans 1 mois, dans 6 mois. Si ce n'est pas dans 6 mois, dans 1 année. Si ce n'est pas dans 1 année, dans 2 ans. Mais Dieu va honorer ta prière parce que tu as des sentiments purs. Oui, bien aimé frère. Il n'y a jamais eu une prière sincère que Dieu ne peut pas honorer. Oui, bien aimé frère. Regardez même au temps d'Abraham, notre père. Abraham craignait Dieu. Il marchait dans l'intégrité. Il obéissait au Seigneur. Dieu l'a laissé atteindre l'âge de la vieillesse pour lui donner un enfant, pour honorer sa foi. Oui, bien aimé frère. Il lui a donné son fils pendant que lui-même n'y croyait plus. Pendant que les gens n'y croyaient plus. Mais Dieu a exaucé les vœux de son cœur. L'écriture dit dans Psaume, Dieu exauce les désirs des justes. Si tu es juste, tu es honnête, tu es intègre, tu ne fais que la volonté de Dieu. Fais pour ce que tu demandes à Dieu, il te l'accordera à son temps. Vous voyez, parce que Dieu ne vit pas dans le temps. Il le fera au moment propice. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Dieu exaucera la prière de tout homme juste. C'est pourquoi, en tant que croyant, en tant que croyante, vous devez faire foi dans la prière que vous faites. Oui, bien-aimé frère. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné ici. Tout ce que vous demanderez dans la prière, Oui, bien aimé frère, s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, s'il y a une chose qui est impossible à Dieu, c'est de mentir. Oui, bien aimé frère, quand vous priez, vous lui faites confiance, vous vous humiliez, frère, Dieu exaucera ta prière. Même si ton fils, se rebelle et que vous l'amenez sous la prière, tu dis à Dieu, tu connais mon cœur, tu connais ma sincérité, je veux que c'est mon Dieu, mon fils soit sauvé. Frère Manade nous a conseillé, quand vous priez pour quelqu'un, exercez la même foi que tu avais exercé quand tu es sauvé sur ton fils, sur ta fille, sur ta mari, sur ta femme. Ne vous découragez jamais. Dans la foi, il n'y a pas de découragement. Le diable peut venir. Il est le vent de ta femme. Il est le vent de ton mari. Il est le vent de ton enfant. Mais ne regarde pas aux symptômes. Regarde à la promesse. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Et fidèle. Il a dit, tout ce que vous prierez, je vous le donnerai à mon nom. Oui, bien aimé frère, nous devons être sûrs de nous-mêmes. C'est pourquoi cet enfant a compris l'importance de Dieu. Donc il a mis la peine à Ikani Sakambo. Il bat de Kushiki à Kusema. Mukutumiki à Mungu. Comme le Saint-Esprit nous a dit, pendant qu'on attend, qu'on entendait, continuez l'enseignement sur l'abandonnant. Que chacun de nous comprenne qu'il y a des avantages à servir le Seigneur. Oui, bien aimé frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas ingrat comme Bosmani. Dieu n'est pas ingrat comme la Jekamine. Dieu n'est pas ingrat comme l'État. Dieu n'est pas ingrat comme les hommes. Dieu récompense toujours les siens. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé sœur. Mais Dieu cherche des hommes justes. Il cherche des gens qui s'humilient. Oui, bien aimé frère. Regardez cet enfant Osias. Il aimait tellement le Seigneur. Mais maintenant, le fait de commenter est dit. Il n'était pas dans la compagnie des politiciens. Il ne voulait pas faire la politique. Il ne voyait aucun avantage dans la politique. Osias ne voulait même pas avancer avec les opinions populaires. Vous voyez bien mes frères, un mouvement s'élève dans la cité, un mouvement s'élève dans le pays, et tout le monde veut avoir le même langage, veut avoir le même comportement. Non. Ce n'est pas comme ça qu'il faisait. Chaque période a son esprit qui le domine. Vous voyez bien mes frères, chaque période a ses opinions qui le dominent. Mais en tant que fille de Dieu, il faut toujours observer de quel côté va le monde pour aller à contre-courant. C'est pourquoi dans les questions-réponses, le prophète conseillait en parlant de la mondanité. Il dit ceci, si vous voyez le monde aller à gauche, un chrétien doit aller à droite. Vous voyez bien mes frères, comme on a la moutounia, Babagano, Bandumba, Batel d'ensemble, même pour apprécier Kitu Fulani, attaque la on est quand la couille qui s'ouvre, oui, bien aimé frère et soeur. Et Dieu l'a honoré. Dieu l'a honoré. Voyez, parce qu'il servait Dieu avec révérence. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Comme nous l'avons lu, Dieu l'a béni. Parce que lui aussi l'avait honoré. Oui, bien aimé frère et soeur. Un chrétien ne fait pas de la politique. Un chrétien pas tribaliste, un chrétien n'est pas régionaliste. Non. Il n'est même pas racial. Non, bien aimé frère. Ce sont des choses dans lesquelles nous ne devons pas mettre notre nez. Non, bien aimé frère. Parce que dans tous ces politique. Il n'y a que de la confusion. Il n'y a que de la haine. Voyez bien, mes frères, vous êtes assis avec vos enfants. Au lieu de les lire la Bible, au lieu de les lire les brochures, au lieu de prier, vous êtes là en train de louer votre tribu. Vous voyez bien, mes frères, parce que les gens disent non, il faut enseigner à vos enfants et vos coutumes traditionnelles. Non, c'est un faux esprit. Il n'y a rien dans nos coutumes. Les coutumes des hommes, c'est une vanité. Chaque tribu est fondée sur les mensonges. Comme je l'avais dit autrefois, chaque tribu veut mystifier et son origine comme si ses ancêtres étaient des petits dieux sur la terre. C'est un mensonge. Oui, bien aimé frère, il y a toutes les langues sont les mêmes. Il n'y a aucune langue qui est au-dessus d'une autre. Oui, même le français, même l'anglais n'est pas au-dessus des autres. Mais une chose est vraie, c'est selon le monde. Quand un peuple dominait un autre, il lui amenait sa civilisation, il lui amenait son langage. Vous voyez, nous avons reçu cette influence parce que nous avons été colonisés, comme ici chez nous, pas tous ces Français, ces Belges. Ils nous ont amené les coutumes. Mais ce sont des idolâtres. Il n'y a rien qu'un chrétien peut envier chez les Français, chez les Belges, pour montrer que les Belges sont les plus méchants. Ça, sont les plus méchants, les plus mauvais. Ça fait presque 2 ans qu'ils n'ont pas de gouvernement. Des tribus seulement, ils se combattent, ils veulent se séparer. Où est l'amour? Où est Dieu qui nous a amenés? Vous voyez, les Blancs ne pouvaient pas amener Dieu parce qu'ils n'avaient pas ces dieux-là. Vous voyez, bien aimés frères, c'est pourquoi nous ne devons pas nous intéresser seulement à instruire nos enfants, à leur enseigner les traditions de nos pères, mais tout en négligeant la parole. Mais la seule chose qui doit nous occuper et occuper nos foyers, c'est instruire nos enfants dans la parole de Dieu. Adaba yue kusema ki akwe nu. Adaba ya fikaka kwe nu. Vous voyez? Oh non, kama wye fuji ba bumbaf. Tu mwa kumanda te la fukuza chibingine. Mais kama wane la fukuza la tenda kumbingu, où est le problème? Voyez bien, mes frères, il n'y a pas de problème. Vous voyez? On ne doit pas se préoccuper à des futilités pendant que la parole de Dieu est négligée. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé soeur. Ça doit être notre préoccupation. C'est là où nous sommes tombés. C'est là où nous avons fauté. Vous voyez, bien aimé frère. C'est là où nous devons revenir et demander suffisamment de grâce à Dieu qui nous donne des capacités pour réunir nos enfants, leur parler de Dieu, leur enseigner des cantiques spirituels, leur parler des histoires de la Bible, prier pour eux, prier ensemble, en dehors des travaux que vous pouvez faire. Quand vous avez un temps libre, consacrez-les dans la prière. Ne restez pas seulement à l'écran en train de regarder les faux films et les histoires malsaines. Prenez aussi le temps pour vous consacrer vous-même à la prière. Priez pour votre mari, priez pour votre femme, priez pour vos enfants. Faites de cela une préoccupation. Ça doit être une préoccupation. Mon mari est au travail. Il y a des accidents. Il travaille avec les païens à cause de la sagesse. Vous priez pour ton mari. Vous voyez, vous priez pour ta femme, vous priez pour tes enfants. À 7h, ils sont à l'école. Ils sont accompagnés de païens. Ils sont influencés par le monde extérieur. Ils passent de temps, beaucoup de temps à l'école. Seigneur, si le diable fait les dangers, que ton Saint-Esprit les écarte de la mauvaise foi. Et même sans le savoir, Dieu exaucera ta prière. sans que même la fille ou les garçons ne comprennent pourquoi il épouse ces choses. Pourquoi? Parce qu'il priait d'une mère pieuse, d'un père pieux, a été exaucé par Dieu. Et Dieu a envoyé des anges pour protéger les dons qu'il lui a donnés. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Des fois, peut-être ton mari, qui devait faire un accident, ou ta femme est en voyage, tu dois voir le temps de prier pour elle. Dis, Seigneur, elle est montée dans les histoires qui sont faites de mes hommes. Protège ma chérie. Vous voyez, bien aimé frère, mais où sont ces chrétiens? Où sont ces chrétiens? Nous nous occupons seulement d'autre chose. Je vous parle de Corona, vous Christ, soit vous, vous souriez. Je vous parle de Corona, pas ton seul esprit de toi, la Bika. Ni touchez mes liens, tu n'es jamais à la Bika. Retournons à l'évangile, retournons à la foi, retournons à la parole. Soyons des hommes et des femmes consacrés. Soyons des véritables Naziriens. Dieu nous a sortis de la dénomination. Il nous a donné ce message. C'est pour que nous ayons une vie consacrée. On a la cage à Koufouania. Paix la Bible. Paix la brochure. Soma. Comment on a échappé pour Soma? Bible. On a échappé pour Soma. Brochure. Pourquoi dit que Koufouania? Oui, il y a où qu'on a Soma. Mouba ta kouangazia. Itachika moyo wako. Wakati unaisha kusoma, wizire tire kumpembeni, twanga magoti, omba Mungu, kufuatana ile ulisoma. Eh Dieu, dans ta chambre là, fera quelque chose. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Élevons-nous pour la prière. Oui, bien aimé frère, nous avons un grand travail. Nous ne devons pas négliger cela. Nous ne devons pas négliger la prière. Nous ne devons pas abandonner la prière. Nous ne devons pas abandonner nos enfants eux-mêmes. Nous ne devons pas nous abandonner nous-mêmes. Non, bien aimé frère, nous devons être avec le Seigneur dans tout ce que nous faisons. C'est vrai, bien aimé frère. Croyez à ta prière. Priez avec foi. Priez avec fermeté. Ne faites pas la religion. Ne priez pas par formalisme. Un chrétien prie avec le cœur. Priez avec le cœur. Mettez-y du sentiment. Mettez-y de l'amour, de l'affection. Demandez le secours. La grâce de Dieu. Il interviendra dans ta prière. Prions-nous tous ensemble. Notre Dieu, notre Père.